Je dessine un nuage, tu dessines le vent tue mon nuage et je pleure. Mais j'invente un moulin qui enferme le vent et ton dessin meurt. Je dessine un soleil, tu dessines la pluie noie mon soleil et je pleure. Mais j'accroche un orage sur ton beau paysage et ton dessin meurt. Ce ne sont que des images dessinées sur du papier. Ce ne sont que des mirages coloriés. Je dessine un bateau, tu dessines une vague. Mon bateau fend la vague et tu pleures. Mais tu poses un rocher sur la mer déchaînée et mon dessin meurt. Je dessine une auto, tu dessines une fleur. Mon auto tue la fleur et tu pleures. Mais tu dessines un clou qui vient crever ma roue et mon dessin meurt. Ce ne sont que des images dessinées sur du papier. Ce ne sont que des mirages coloriés. Je t'assure que la vie, c'est bien plus compliqué, car il ne suffit pas d'un crayon et d'un joli dessin pour tout recommencer, comme dans ma chanson. Ce n'était que des images dessinées sur du papier. Ce n'était que des mirages coloriés.